La radiodiffusion française vous présente, en transmission différée, la diffusion du spectacle de la comédie française Salle Richelieu à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter Le bourgeois gentilhomme, comédie-ballet en 5 actes en prose de Molière. Musique de Lully, orchestre de la comédie française sous la direction d'André Jolivet, mise en scène de Jean Meyer. La présentation de notre transmission a été confiée à M. Edmond C. M. Edmond C. vous parle. La reprise du bourgeois gentilhomme vient de marquer pour la comédie française une de ses plus éclatantes réussites. Et l'on pourrait ajouter pour Molière lui aussi. Comme ces gens qui, revenus de voyage, constatent avec un naïf émerveillement que tout de même on n'est nulle part aussi bien que chez soi, c'est en se retrouvant aujourd'hui si bien chez lui que Molière pourrait à son tour mesurer tout ce qu'il lui en coûta parfois de délaisser sa maison pour des villégiatures plus ou moins hasardeuses. On ne saurait assez féliciter M. Jean Meyer, l'actuel animateur sénile du Bourgeois, d'avoir, avec la précieuse collaboration de Mme Suzanne Lalique, on lui doit un décor d'un goût, d'un art et d'une intelligence architecturale qui tiennent du miracle, de peintres, musiciens, figurants, instrumentistes, danseurs, triés sur le volet, d'avoir, dis-je, tout en assurant à la pièce son attrait, son rayonnement spectaculaire, mise aussi en valeur ce qu'elle contient de si largement et profondément humain. Car encore qu'exécuté, on le sait, par Molière, comme un simple divertissement destiné à égayer le roi et la cour en évoquant devant eux les façons ridicules des envoyés de la sublime porte venus quelques jours auparavant à Versailles et qui s'étaient montrés un peu trop dédaigneux à l'égard du souverain et de son fastueux entourage, d'où la mascarade turque de la fin, le bourgeois gentilhomme n'emporte pas moins la griffe impérieuse de Molière. De Molière, échappant toutes les fois qu'il en trouve l'occasion à l'emprise de Lully, de Laurent, d'Arvieux, auquel le roi avait confié le soin de présider à l'agencement de la mascarade vengeresse, pour céder heureusement aux poussées irrésistibles de son génie propre. Et entre deux ballets, deux intermèdes, deux défilés, animés et marqués de traits impérissables, 3 ou 4 personnages, 3 ou 4 types humains, fixé dans notre mémoire pour l'éternité. Sans préjudice, une série de scènes jaillit comme à l'improvisade, mais ressortissant à la plus fine, délicate comédie amoureuse, toutes celles entre Cléante et Lucille, ou à la plus hardie satire des mœurs, celles où interviennent ce grand seigneur, exploiteur, tapeur et un peu ruffian de Dorante et la séduisante aventurière d'Orimène, dont il sert pour appâter le crédule Jourdain leur victime à tous les deux. Ce passage de la haute comédie stylisée à la farce burlesque, il s'accomplit ici, vous vous en rendrez compte, naturellement, irrésistiblement, suivant le rythme même de l'action, sa progression logique, jusqu'au brusque déchaînement de la turquerie finale. Et c'est en l'occurrence qu'apparaît le rôle prépondérant, le rôle essentiel dévolu à une troupe unique au monde, celle de ces comédiens français auxquels on ne rend peut-être pas toujours assez justice, mais auxquels leur valeur, leur science, leur autorité, la souple et sûre maîtrise qu'ils ont acquise de leur art et de leur métier, confèrent une si éclatante prééminence sur tous les autres. Vous pourrez vous en convaincre dans quelques instants, en voyant et en entendant saigner, admirable Jourdain, large, truculent, sonore ou en couleur, d'une si irrésistible sincérité naïve, que le personnage en devient presque touchant, escande, inquiétant et prestigieux Dorante et Jean Meyer, d'une fantaisie si incisive et si mordante, et Jacques Charon, maître de danse au gracieux envolement, Jean Piat, Yvonne Godot, couplet de style amoureux Emmanuel, Galabru, Hirsch, incomparable trio comique escortant cette fois leur chef de file, Chamara, oui, et style dans le rôle du maître de philosophie du premier acte. Quant à Madame Bretti, c'est Nicole elle-même, telle que Molière l'a conçue, l'a voulu et la rêva, sans vous espérer une si magique réalisation de son rêve. Et je n'aurais garde de mettre Madame de Chauvron, en qui revit Madame Jourdain, cette rue des Seine-Commères, bataillon en faveur de la sagesse et du bon sens bourgeois, et Mademoiselle Sabouret, d'Orimène, si délicieusement et redoutablement féminine. Où trouverait-on ailleurs un pareil ensemble, une fois de plus? Cette éblouissante résurrection du bourgeois gentilhomme nous montre que dans le domaine qui lui est propre, J'entends lorsqu'il s'agit pour elle de servir avec tous les moyens dont elle dispose dans des chefs-d'œuvre de notre grand répertoire classique, la comédie française est et demeure sans rival. Voici quelle sera la distribution du Bourgeois Gentilhomme de Molière, musique de Lully. Monsieur Maurice Escande interprétera le rôle de Dorande, Jean Meyer celui de Coviel, Louis Seignier dans le personnage de Monsieur Jourdain, Jacques Charon le maître à danser, Robert Manuel le maître tailleur, Georges Chamara le maître de philosophie, Jean Pia Cléonte, Robert Hirsch le maître de musique, Teddy Billis un garçon tailleur, Michel Galabru le maître d'armes. C'est Madame Béatrice Bretty qui interprétera le rôle de Nicole, Yvonne Godot celui de Lucille, André de Chauvron sera Madame Jourdain et Marie Sabouret d'Orimène, les laquais Messieurs Haas et Vacchia, avec Messieurs Albert Lambert et Joris, élèves du conservatoire. Partie chantée avec le concours de Mesdemoiselles Meyer et Duhesneau, Messieurs Lacour et Demigny. Danse exécutée par Messieurs Carlier, Panville, Courtois, Bérard, Willy, Fay, Davenne et Hébert. Divertissement réglé par Madame Léone Mel de l'Opéra. Mise en scène réglée par Monsieur Jean Meyer. L'orchestre de la Comédie Française est placé sous la direction d'André Jolivet. C'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici. En attendant que notre homme fût éveillé. Fais-t'en voir ce que c'est. Vous allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations à vous et à moi ne sont pas petites maintenant. Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en paix. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemble. Ah non, pas entièrement. Je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal. Mais il les paye bien. Et c'est de quoi nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repaise un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sauts, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Bon, il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage et par de chatouillantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caresser d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien à mon avis qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise, il faut y mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites. Il parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous le voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas. Il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Fort bien. J'en fais pas tout mon bonheur. Je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en attendant, il nous donne le moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce ? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie ? Comment ? Quelle petite drôlerie ? Eh ! La... Comment appelez-vous cela ? Votre... prologue ? Ou dialogue de chansons et de danse ? Oh ! Oh ! Vous nous y voyez préparés ? Je vous ai fait un peu attendre. Mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais ! Oula ! Mes deux laquais ! Que voulez-vous, monsieur ? Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrées ? Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé. Pour faire le matin... mes exercices. Il est galant. Laquais ! Monsieur ! L'autre laquais ! Monsieur ! Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela ? Fort bien, on ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien, auparavant, vous faire entendre l'air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandée. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement! Entendre. Attendez. Je crois que je serais mieux sans robe. Jourdain s'est endormi. Cette chanson me semble un peu lugubre. Elle endort. Et je voudrais vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que la musique soit accordée aux paroles. Vous m'en avez eu tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Là. Comment est-ce qu'il dit? Par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton là-dedans. Du mouton? Oui. Je croyais jamais vous aussi douce que belle. Je croyais jamais vous plus douce qu'un mouton. Mouton. Joli, le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je la prendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre. Car outre le maître d'armes qui monte, j'ai arrêté encore un maître de philosophie.

monsieur, plus vite ceci. Gravement ce mouvement de sarabande. Prenons bien cette bourrée. Entrez bien cette gaillarde. Donnez de l'accent à cet air de canari. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins, car la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Oh, sans doute. Il vous faudra trois voix. Un dessus, une haute contre et une basse. Qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues. Avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il y faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît. Et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Hein? Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout, que le ballet soit bon. Vous en serez content. Ah. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Ah! Les menuets sont ma danse. Je veux que vous me les voyez danser. Allô, mon maître. Un chapeau, messieurs, s'il vous plaît. Ah. Oh. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, en cadence, s'il vous plaît. C'est bien entendu maintenant Monsieur Jourdain qui danse avec une grâce éléphantesque. La, la, la. Ne remuez point tant la tête. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, vos deux bras sont estropillés. La, la, la, la, a haussé la tête, tournez la pointe du pied en dehors. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurais besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, une marquise qui s'appelle... Dorimel. Oh. Donnez-moi la main. Non, non, vous n'avez qu'à faire. Je le retiendrai bien. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en avant, et la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Ah, faites un peu. Dis-lui qu'il entre ici. Pour me donner le son, je veux que vous me voyez faire. Alors, monsieur, alors. Le salut des arts, monsieur. On dirait que Monsieur Jourdain va jouer de la trompette. Épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez le corps ferme, poussez-moi les pieds de carte, et assez de même. Bip, deux, remettez-vous, relevez le pied ferme. Bip, deux, lançons l'arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte à la première et que le corps soit bien effeté. Bip, deux. Alors, tous les deux tiers, c'est celle-là. Tiens, deux, avancez le corps ferme. Tiens, deux, partez de là. Partez de là. Tiens, deux, remettez-vous. Relevez le pied ferme. Tiens, deux, en sur la guerre. En garde. En garde. En garde. En garde. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne pas recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous avez détourné l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute, n'en vivez-vous pas la démonstration. Oui. Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles comme la danse, la musique... Mais tout bon, monsieur le tireur d'armes, je parle de la danse avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter les talents de la musique. Oh. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences, ça va bien. Vous voyez un peu l'homme d'important. Un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, vous ferez chanter de belles lieux. Tâteau de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la carte, et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative, de sa tierce et de sa carte. Doudou, vous dis-je. Comment, petit impertinent? Et mon maître d'armes? Comment, grand cheval de carrosse? Et mon maître à danser? Si je me jette sur vous. Oh, Doudou. Si je mets sur vous la main. Bon. Je vous étrirai de main. Je vous rosserai d'une manière. Je vous prie. Laissez-moi un peu lui apprendre à parler. Oh mon Dieu, arrêtez-vous! Oh là, monsieur le philosophe! Ah, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie! Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci! Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère sur la préférence de leur profession.

La peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur. Voilà. Je vais le mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre aide. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que 30. Oh oui? Si je romps toujours des mailles. Oui, aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous imaginez cela? Je me l'imagine, parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel ami de la cour et le mieux assorti. Hein? C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un ami sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairs. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en embas? Vous n'aviez pas dit que vous les vouliez en enfant? Mais est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Oh! Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en embas? Oui, monsieur. Oh! Voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non, non, non. Vous n'avez qu'à dire. Non, non, non, non, vous avez bien fait, vous dites. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Ah. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire gain le plus juste. Ah. J'ai chez moi un garçon qui pour monter une ringrave est le plus grand génie du monde et un autre qui pour assembler un pourpoint est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout à fait. Ah. Oh! Oh! Monsieur le tailleur. Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Hein? Oui, oui, oui. Attendez, ça ne va pas comme cela. Hein? J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Hola, entrez vous autres. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Habille M. Jourdain avec grâce et en cadence. Il a maintenant sa perruque. Et enfin, on le coiffe d'un chapeau un peu extravagant avec force plume. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois? On ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, oh, monseigneur, attendez mon ami. Monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole pour monseigneur. Tenez. Voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Oh, oh, oh! Attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez. Voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Oui, il a bien. Je lui allais tout donner. Vous garçons tailleurs se réjouissent par une danse qui fait le second intermède. Vous venez d'entendre, en transmission différée, la première partie de la comédie-ballet de Molière, Le bourgeois gentilhomme, musique de Lully. Voici à présent la deuxième partie de cette comédie. Vous êtes à moi. Oui, monsieur. Rappelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez la voilà. Nicole. Oui. Écoutez. T'as pu rire. Je veux dire cette coquille-là. Ça vous va la bâtie. Commandant. Oh mon Dieu. Mais quelle friponnesse là, tu m'as plus de moi. Allez, monsieur. J'en serais bien penché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je vous demande pardon, mais... Je ne saurais me tenir de rire. Oh, mais voyez quelle insolence. Vous êtes tout à fait drôle comme ça. Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui te soit jamais donné. Eh bien... Oui. Voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt, tu nettoies. Que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle. Et... Encore. Venez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou. Ça ne fera plus de bien. J'en rage. De grâce, monsieur, je vous prie de me

le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Oh, cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites dans la chambre du roi. Voyons, mais... Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mettez, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur. Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'important. Je suis votre débiteur, comme vous savez. Oui, nous le savons trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Je vais vous moquer. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. N'en doute pas, monsieur. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Eh bien, ma femme, vous voyez votre impertinence. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Voyons un peu ce que je vous dois. Voilà, avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Et une autre fois 620. Oui. Et une autre fois 140. Vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. 5060 livres, le compte est bon. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. Fort bien, 12 sols, 8 deniers, le compte est juste. Et 1748 livres, 7 sols, 4 deniers à votre tailleur. Tout cela est véritable, qu'est-ce que cela fait? Somme totale. 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'avez données. Cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, n'avais-je pas bien deviné? Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Non. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Je vous dis. Vous n'avez qu'à dire si cela vous embarrasse. Ouais, monsieur. C'est un vrai enjôleux. C'est vous. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Foutez-vous. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai pensé que je vous ferais tort si j'en allais demander à quelqu'un. Monsieur. C'est trop d'honneur que vous me faites. Je vais quérir votre affaire. Quoi, vous allez encore lui donner cela? Mais puis-je refuser un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe. Vous voilà toute mélancolique. Qu'avez-vous donc, madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing. Et ici, elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où donc est-elle que je ne la vois pas? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point un de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, vraiment, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Oh, dame, monsieur, est-ce que madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ma foi, madame Jourdain, je vous demande pardon, je ne songeais pas que vous êtes jeune. Et je rêve le plus souvent, je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés. Je vous assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous. Et je brûle de vous rendre un service avec vous. Je vous suis trop obligé. Si madame Jourdain veut venir voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Ah. Madame Jourdain, vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra ici tantôt pour le ballet et le repas. Et je l'ai fait consentir, enfin, au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu de ce côté, pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point mandé des nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part. C'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Ah, comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Et où je me trompe fort, où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Plut au ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne peut

Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu me regarde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à ça? Je veux, contre elle, conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Que monsieur le comte, qui va chez elle, lui donne peut-être dans la vue, et son esprit, je le vois bien, se laisser éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir. Et ne lui laissez pas toute la gloire de me quitter. C'est fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit. Et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur, voilà une belle mijoire. Une femme jouée bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que très médiocre. Vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde. Les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Elle est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée, bien prise. Elle affecte une nonchalance dans son parler, dans ses actions. Il est vrai. Mais elle a grâce à tout cela. Et ses manières sont engageantes. Oh, je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Ah! Elle en a, Coviel, du plus fin, du plus délicat. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes? Veux-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Non, mais elle est capricieuse autant que personne du monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est bien, nos belles. On souffre tout des belles. Ah, puisque cela va comme ça, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur à la haïr, à la quitter. Toute belle, toute aimable, toute pleine d'attrait que je la trouve. La voici. Moi, j'en ai fait toute scandalisée. Ce ne peut être Nicole que ce que je dis. Mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'êtes-vous donc, Léon? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Une mauvaise humeur se tient. Êtes-vous muette, Léon? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui scélera contre la Judas! Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah, on voit ce qu'on a fait. Le traquage de ce matin, ça fait prendre la tête. On a deviné, l'enclouer, hein. N'est-il pas vrai, Cléonce, que c'est là le sujet de votre défaut? Oui, père fils, seul est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Que je veux être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins, je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que mi. Voilà bien du bruit pour rien. Je veux vous dire, Cléonce, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre avance. Non, je ne veux rien écouter. Je vais apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dites. Apprends que... Non, très très. C'est coûteux. Moi, de fait. Je dois dire. Je suis sourd. Cléonce. Non. Moi. Arrêtez. Chanson. Entends-moi. Bagatelle. Maman, non. Moi, du tout. Je fais patience. Ça va. Deux parents. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Puisque tu fais comme ça, prends-le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne peux rien dire. Compte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Je vous dis, je... Par charité. Moi, ma mère. Je vous en prie. Oh, laissez-moi. Je t'en conjure. Lucille. Non. Nicole. Quoi? Au nom des dieux. Je ne peux pas. Parle-moi. Pas du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en prie. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Léon, Coviel. Oui, Nadine. Où allez-vous?

de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage... Bon, voilà assez, monsieur Jourdain. Hein? Madame n'est pas les grands compliments, et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez dans toutes les manières. Il est pas mal aisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame. Vous méritez cette grâce. Prenez bien garde au moins de ne lui pas parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment gardez-vous-en bien, ça serait fort vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous passiez comme si c'était pour vous qui lui eussiez fait ce présent. Ah. Madame, monsieur Jourdain me dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir jusqu'ici. Je ne sais quelle grâce vous en rend. Il me dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame! C'est vous qui faites les grâces. Sortons à souper. Tout est prêt, monsieur. Allons donc nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Les valets viennent de porter chaises puis tables couvertes de mets. Ce sont maintenant les musiciens qui apparaissent et saluent le maître de séance et toute la compagnie. Voici maintenant les chanteurs. Cuisinier qui esquisse également un petit pas de danse. Comment, Laurent, voilà un repas tout à fait magnifique. Oh, vous vous moquez, madame. Et je voudrais qu'il fût digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné que je n'ai pas là-dessus les lumières de nos amis, vous n'aurez pas ici un repas fort savant. Et vous y trouverez des incongruités de bonne chair et des barbarismes de bon goût. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de rive, un biseau doré, relevé de croûte partout et croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous la dent est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevée d'un fumet surprenant, et pour son apéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs, marié avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme l'a si bien dit M. Jourdain, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Ah! Que voilà de belles mains. Oh, les mains sont médiocres, M. Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Qu'on donne du vin à M. Jourdain et à ces messieurs qui nous font la grâce de nous chanter les revoirs. C'est merveilleusement à t'ai donné la bonne chair, te dit mêler la musique, et je me vois ici admirablement régalé. Madame, monsieur Girondin, prêtons l'oreille à ces messieurs, ce qu'ils nous diront vaudra beaucoup mieux que ce que nous pourrions dire. Que vous touchez. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Oh, si je pouvais ravir votre cœur, je serais. Qu'on vit ici bonne compagnie. Et je vois bien qu'on n'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire, si monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma soeur. Je viens de voir un théâtre là-bas. Je vois ici un banquet à Ternos. Voilà comme vous dépensez votre bien. Et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence. Que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que dites-vous, madame Jourdain, quelles fantaisies sont les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, s'il vous plaît. Il ne fait que me prêter sa maison et vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chances, toi, que cela, je sais ce que je sais. Hein? Oui, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Oh, je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Oh. Et vous, madame, pour une grande âme, cela n'est ni bon ni honnête à vous. De mettre la distension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Je veux donc dire où je suis. Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cet extra-ladron. Madame, et vous, madame? Madame, monsieur le comte, monsieur le comte, ne fuyez plus.

Il va bien ici? Oui, il apporte toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Me voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte. Et elle refuse de n'épouser personne que celui-là. Mais changera de sentiment quand elle aura vu le fils du grand-turc. Et puis ils se rencontrent ici une aventure merveilleuse. Ah. C'est que le fils du grand-turc ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près. Puis je viens de le voir. On me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Et je l'entends qui vient. Le voilà. Entrée de Cléonte en turc. Ambusaimo kibora fjordina salamaleki. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Son façon de parler obligeante de ce pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Kaliger Kambotos Dimola. Ustinio Katamaleki Basumbasi alla Mora. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop. Et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Bellman, il dit que vous allez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en deux mots. Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Oh, ma foi, c'est tout à fait drôle. Quel duc, quand il aura appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas mieux jouer. Oh, je vous prie, monsieur, de vouloir nous aider, Céan, quand une affaire qui s'y passe. Comme quelle, qui t'aurait reconnu comme te voilà injuste? Vous voyez, de paris-tu? Oh, d'une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Comment? Ah, je vous le donne en bien et foi, monsieur a deviné le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne peut manquer de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Pour prendre la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir, vous pourrez voir une partie de l'histoire tandis que je vous conterai le reste. Et la cérémonie turque pour anoblir le bourgeois se fait en danse et en musique. Derby, si turc danse. On emmène Monsieur Jourdain vêtu à la turque, sans turban et sans sabre, et on lui chante les paroles que vous entendez. Le mufti demande au turc assistant de quelle religion est le bourgeois. Il l'assure qu'il est mahométan. Le mufti invoque Mahomet. Sauter Monsieur Jourdain qui n'en peut mais, et tous les derviches tournent en lui donnant des grands coups de bâton. passe un sabre. À Monsieur Jourdain, on le coiffe d'un chapeau monumental qui lui rentre jusqu'aux oreilles. Les derviches recommencent à tourner en lui jetant certains petits papiers avec des gestes gracieux. Et la plupart se retirent. Reste seul. Parler de la sorte à un amamouché. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouché. Voulez-vous donc dire avec votre mamamouché? Mamamouché, vous dis-je! Je suis mamamouché! Quelle belle était cela! Mamamouché! C'est-à-dire, dans notre langue, baladin. Baladin, mais vous en avez de danser des balais. Quelle ignorance! Je dis baladin. Et c'est une cérémonie dont on vient de me faire la dignité. Quelle cérémonie, donc? Mahameta per Jordina. Et qu'est-ce que ça veut dire? Jordina! C'est-à-dire, eh bien, quoi, Jourdain? Voler far un paladina de Jordina. Comment? Dar turbanta con galera. Qu'est-ce à dire cela? Per défendre Palestina. Que voulez-vous en dire? Daradara bastonara. Mais qu'est-ce que c'est donc ce jargon-là? Non teneronta questa star ultima pronta. Qu'est-ce que c'est donc de tout cela? Où là-bas, balachou. Balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balaba, balaba. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Père insolent, portez respect à monsieur le mamamouché. Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Pourront l'empêcher de sortir? Ah, juste avant le reste de notre écu, je ne vois que chagrin de tous côtés. Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qui se puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, il est digne d'une bonne fortune. En outre, nous avons ici un valet qui nous revient qu'il ne faut pas laisser perdre. Il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des apprêts magnifiques et ce sont des choses d'orange que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez. Est-il possible, madame, que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher empêcher de vous ruiner. Mais sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur, et vous en userez de la façon qui vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme. Oh, la figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage à votre nouvelle dignité, madame et moi, et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence du lion. J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes montée. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Quoi, n'est rien, j'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que M. Jourdain n'est point de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait dans la gloire connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Oui, donc, son Altesse Turque, nous voudrions, comme vos amis, lui présenter nos devoirs. Le voici qui vient. J'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Ah. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Mais où est donc le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez comme il répondra. Il parle turc à merveille. Voilà, où t'entrait-il aller? Stop, strip, stop. Monsieur est un grande signore. Un grande signore. Grande signore. E madame, una grande dama. Grande dama. Lui, monsieur, lui, Mamamouchi français. Et madame, Mamamouchi française. Je ne puis pas lui parler plus clairement. Bon, voilà l'interprète, allez-vous donc. Nous ne saurions rien dire sans vous. Expliquez un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. À la balle, quand tu as ma fille, voilà ma lavamène. Quand elle quitte tout bas, l'orine se terre à Malouchan. Ah, vous voyez, il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous le disais bien qu'il parle dur. C'est admirable. Oh, venez, ma fille, approchez. Je vais lui donner la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comme vous voilà fait, c'est une comédie. Non, non, non, non, non, non, ce n'est pas une comédie. C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père. Oui, à vous. Allons toucher lui dans les mains et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Et je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Oh, que de bruit. Allons, ça à votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point le pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléon. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Pendant tous ces discours, tout le monde fait des gestes et Cléon en particulier vient d'enlever sa barbe. Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Oh, oh, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Il me plaît d'avoir une fille si obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? Oh, on dit que vous voulez donner votre fille en mariage. Un carré de poids d'autre. Et taisez-vous, impertinente. Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose. Et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Et vous allez de folie en folie. Quel est votre destin? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier votre fille. avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc. Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement, voilà. Oh, je vais faire du truchement. Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura pas raté. Vous vous taire encore une fois. Comment, madame, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là et vous refusez son altesse turque pour genre. Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à me jeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous pas embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait nous intéresser dans vos avantages. Je passe très bien de votre amitié. Voilà, mademoiselle, votre fils qui consent aux volontés de son père. Elle qui consente à épouser un turc. Sans doute. Elle veut oublier Cléon. Ne fait-on pas pour être grand âme. Elle tremblerait de même si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Oh, que de bruit. Allez, vous êtes une coquine. Bien quoi? Vous la croyez, monsieur Bobby? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame. Comme vous ne vous comptez, vous. Un mot. Je l'excelle de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous souhaitez. Non, je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Voilà une bien grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Vous êtes seulement que m'écouter vous fera presque ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Oh! Il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. N'auriez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement et que c'est Cléon lui-même qui est le fils du grand turc? Et moi, Coviel, qui suis le truchement? Comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Voilà qui est fait, le prochain de mariage. Ah! Voilà tout le monde raisonnable! Vous ne vouliez pas l'écouter. Je vous disais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Oui, il me l'a expliqué comme il faut. Et j'en suis fort satisfaite en voyant tiérir un affaire. Voilà qui est bien. Et enfin, madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait tranquille et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous auriez pu concevoir de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Pour cela, j'y consens aussi. C'est pour lui faire à quoi? Il faut bien l'amuser par cette fête. Bon. Envoyons vite guérir le notaire. En attendant qu'il vienne et qu'il dresse les contrats, voyons notre balai et offrons-en le divertissement à son altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra? Messieurs, je vous remercie. Si l'on en peut voir un plus fou, je dirais bien. La radiodiffusion française vient de vous présenter en transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie française Salle Richelieu à Paris. Vous avez entendu Le bourgeois gentilhomme, comédie ballet en cinq actes en prose de Molière, musique de Lully. Avec le concours de messieurs Maurice Escande, Jean Meyer, Louis Seignier, Jacques Charon, Robert Manuel, Georges Chamara, Jean Pia, Robert Hirsch, Teddy Bilis et Michel Galabru. Avec mesdames Béatrice Bretti, Yvonne Godot, André Le Chauvron, Marie Sabouret. Et messieurs Haas et Bacchia, ainsi que messieurs Albert Lambert et Joris, élèves du conservatoire. Divertissement réglé par madame Léon Mel de l'Opéra. La mise en scène a été réglée par monsieur Jean Meyer. Nous vous rappelons qu'au début du spectacle, monsieur Edmond C. vous a présenté notre transmission.